Je couche même sur le papier toutes mes larmes et tout mon sang. Les mots passent mais ne se ressemblent pas. J'écris la vie comme je la sens, un peu sommaire et sans éclat. Les mots me viennent même si plus rien ne changera. Ne changera. J'écris la nuit quand vient le vent souffler sur les braises de ses rêves. Amer et souvenir brûlant. Les mots passent mais ne se ressemblent pas. J'écris la vie comme je la sens, un peu sommaire et sans éclat. Les mots me viennent même si plus rien ne changera. Ne changera. Même si plus rien ne changera.